Ok. Si je pense que je l'ai. Ok. Bonjour, c'est à qui? Je suis pas très convaincue, hein, mais. Je sais pas, qu'est-ce que t'en penses, toi? Ouais, mais après, du coup, j'ai peur que ce soit super parce que moi, j'aurais tendance à faire bonjour, c'est à qui? Tu vois, je suis très. Ouais, bah oui, forcément! Ok, donc. Ok. Du coup, ça donne. Bonjour, c'est à qui? Ouais, non, pas encore. Bonjour, c'est à qui? Bonjour. Tu sais, mais un truc faussement joyeux, genre bonjour, c'est à qui? Un truc, tu vois, où finalement, c'est pas du tout. C'est pas normal, en fait. Tu sais que c'est un robot juste à l'entendre. Mais c'est. J'ai des. Où je parle beaucoup. Ok, bonjour, c'est à qui? C'est bizarre, bonjour, c'est à qui? Je le baisse le qui, tu veux dire? D'accord. Ok, bonjour, c'est à qui? Bonjour, c'est à qui? Oh, c'est chaud. Bonjour, c'est à qui? Oh, c'est horrible. Je m'entends. Bonjour, c'est à qui? Oh, c'est horrible. Je détesterais qu'on me parle comme ça. Bon. Mais je sais bien. Bonjour. Bonjour, c'est à qui? Oh, quelle horreur. Bonjour, c'est à qui? C'est super creepy. Tu veux que je fasse stop après ou pas? Tu veux que je fasse stop sur la bande parce que je continue d'enregistrer depuis tout à l'heure. Ok. Alors, nanana, Shérif O'Hara et Madame. Donc, ok. Shérif O'Hara et Madame. Ouais, bof. Shérif. Non, ok. Shérif O'Hara et Madame. Shérif O'Hara et Madame. Ok. Ok. Shérif O'Hara et Madame? Ouais, non, mais là, c'est trop. C'est pas assez robotique. Et Madame? Ouais, du coup, je laisse traîner le Madame là. Ok. Non, non, mais pas de problème. Moi, je fais ce que tu veux. Hein. Il n'y a pas de souci. Shérif O'Hara et Madame? Madame? Oh! Ouais, mais non, faut pas qu'il soit long. Oh! Ah ouais? Oh! Bienvenue, commissaire. Vous pouvez entrer. Oh! Bienvenue, commissaire. Vous pouvez entrer. Je trouve ça super. Ok, nanana. Et là, j'ai juste un bien sûr. Non, qu'est-ce qui vous amène? Qu'est-ce qui vous amène? Non. C'est vrai, tu trouves? Je vais pas te mentir que je fais toutes les répliques en souriant et je m'entends creepy en fait. C'est horrible. Ouais, mais il essaye quoi. C'est pas son taf. Il est médecin, il est pas. Ok. Qu'est-ce qui vous amène? Oh. Qu'est-ce qui vous amène? Qu'est-ce qui vous amène? Non, parce qu'il peut pas être sur l'interrogation vraiment, tu vois, c'est vraiment genre il est factuel donc ce serait. Ouais, oui, non, mais c'est pour ça que ce serait vraiment. C'est un robot, donc super creepy. Qu'est-ce qui vous amène? Ok. Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Le voici. Le voici. Le voici. Le voici. Le voici. Le dernier, c'était horrible. Le voici. Ah, pardon. Non, bah, j'en ai enregistré 25 dès. Le voici. Je ne suis ici que depuis 5 mois. Je ne suis ici que depuis 5 mois. Je ne suis ici que depuis 5 mois. D'accord. Je ne suis ici que depuis 5 mois. Non. Yael s'occupait seulement de la mise à jour des dossiers médicaux, mais leur accès est strictement confidentiel. Non. Ok. Non. Yael s'occupait seulement de la mise à jour des dossiers médicaux, mais leur accès est strictement confidentiel. Non. Bah, je sais pas, c'est toi qui me dis, hein. Ok. Non, Yael s'occupait seulement de la mise à jour des dossiers médicaux. Je peux pas hésiter. Non, Yael s'occupait seulement de la mise à jour des dossiers médicaux. Mais leur accès est strictement confidentiel. Ouais. Et elle s'occupait seulement de la mise à jour des dossiers médicaux. Ouais. Non. C'est parce que je mets des points là où il faut mettre des virgules. Alors du coup, c'est un peu chelou, mais c'est moi qui sais pas faire la ponctuation, ça a toujours été un problème. Non. Non, et elle s'occupait. Ah, mais putain, je rigole. Non, et elle s'occupait seulement des. Voilà. Non, Yael s'occupait seulement de la mise à jour des dossiers médicaux, mais leur accès est strictement confidentiel. C'est bof, hein? Ouais. Bon, c'est toi qui vois. Non. Non, Yael s'occupait seulement de la mage. De la mage. Voilà, il s'occupait de la mage des dossiers, ok? Non, Yael s'occupait seulement de la mise à jour des dossiers médicaux. Mais leur accès est strictement confidentiel. Ouais, c'est très informatif. Ça, c'est pas mal, je trouve. J'essaie d'être dans le. Ok. Merci de votre visite. Unicoins. Ok. Moi, je vais faire phrase par phrase de toute façon. Je ne peux malheureusement pas appliquer de remboursement tarifaire. Ouais. Par la Fédération interstellaire d'entretien de la vie du repos des espèces, ça va être extrêmement difficile. Hein. Je te le dis. Hein, je. Merci de votre visite. Le prix des consultations s'élève à 35 unicoins. Je ne peux malheureusement pas appliquer le remboursement tarifaire, puisque notre consultation définit... Non. Puisque notre entretien... Ouais. Je vais recommencer. Merci de votre visite. Le prix de la consultation s'élève à 35 unicoins. Je ne peux malheureusement pas appliquer de remboursement tarifaire, puisque notre... tarifaire, ça va pas. Je ne peux malheureusement pas appliquer de remboursement tarifaire, puisque notre entretien ne rentre dans aucune catégorie de consultation définie par la Fédération interstellaire d'entretien de la vie et du repos des espèces. Confiance? Ok. Ok. Plus haute. Je me suis surprise moi-même. Merci de votre visite. Le prix des consultations... Non, je souris plus. Merci de votre visite. Le prix des consul... de la... Non. Merci de votre visite. Le prix de la consultation s'élève à 35 unicoins. Je ne peux malheureusement pas appliquer de remboursement tarifaire, puisque notre entretien ne rentre dans aucune catégorie des consultations définies par la Fédération interstellaire d'entretien de la vie et du repos des espèces. Ah ben, je sais pas si ça te plaît, écoute. Ok, pas de souci. Merci de votre... Non, je peux pas... Ah, si, c'est chelou, tu sais, ce... Merci de votre visite. Je trouverais ça très robotique, bizarre, en fait. Merci de votre visite. Non, qu'est-ce qu'il y a? Merci de votre visite. Le prix de la consultation s'élève à 35 unicoins. Je ne peux malheureusement pas s'appliquer... Je ne peux malheureusement pas appliquer de remboursement tarifaire, puisque notre entretien ne rentre dans aucune catégorie. Puisque notre... Ouais. Puisque notre... Voilà. Puisque notre entretien ne rentre dans aucune... des cat... Ouais, faut que je recommence. Puisque notre entretien ne rentre dans aucune des catégories de... Voilà. Putain, la dernière, elle veut pas. Je vais recommencer tout le début parce que ça marche pas sinon. Merci de votre visite. Merci de votre visite. Le prix de la consultation s'élève à 35 unicoins. Je ne peux malheureusement pas appliquer de remboursement tarifaire, puisque notre entretien ne rentre dans aucune des catégories de consultation définies par la Fédération interstellaire de l'entretien de la vie et du repos des espèces. Ah, merde. Ok. Bah attends, je... Bon, attends, je vais essayer de te donner moins de travail. Si je reprends à la virgule, ça devrait être plus facile, non? Bah, je sais pas, c'est comme... D'accord. La Fédération interstellaire d'entretien de la vie est... Oh, putain. La Fédération d'entre... Ah, putain... La Fédération interstellaire... La Fédération interstellaire d'entretien de la vie et du repos des espèces. C'est encore plus creepy. Alors, bah je cherche. Si, je vois à la page 11. Tu reprendras la même du coup? Ok. Oh oui, bah ça sera encore plus, ça fait encore plus robot du coup. Je regarde. Nanana. Ok. Eh bah écoute, merci de m'avoir guidé parce que tu vois, j'appuie sur le stop.